tandem show. Papy Fredo 2001. De toute façon, on s'en fout, on a rien à attendre. Écoute ça. C'est l'heure de dire respect, ouais, à tous ceux qui ont voulu tester. Dans même show, on va tout casser, parce qu'au fond, on ne fait que passer. Ah. Nick Sarah, je suis passé, fou pour signer pour 4 sous. Ma vie, mon rap, je garderai tout. On m'a déjà dit que j'étais fou. Oh. Mais j'ai que le rap et mes couilles, alors remballe ton gun et tes douilles. Rien à foutre avec quoi tu te saoules, pour moi, c'est que du Red Bull. Ah. Les cons des cons de concept, pourtant tu pars du beurre dans la soupe. On écoutera tes conseils, y'aura des putes qui bougeront leur boule. Alors arrête un peu de faire ton sketch. Arrête un peu de faire ton sketch. Allez, maintenant tu sors, on te prendra pas avec des pincettes. On prendra pas avec des pincettes. Leur concept déjà s'est rincé. On m'a pas demandé de rester, alors j'ai fait mon rap français. Beat bête de face, tu passes dans le camp de base. Quand je suis sûr de qu'est-ce qui approche, n'oublie pas les règles d'usage. Si t'as des rêves, tu te calmes, y'a trop de cocards, les calculs bas. T'inquiète pas, je te lâcherai pas, nous ce qu'on veut c'est du résultat. On s'en fout qu'ils parlent tout le temps, t'as bien vu que je calcule pas. Je fais du rap que t'entendras plus tard, je suis pas comme la plupart. Je t'en parlerai plus tard, quand j'aurai du résultat. Même chose, j'apprends sur le tas, je percerai peut-être sur le tas. Je percerai peut-être sur le tas. Je suis en immersion totale dans mon univers blanc d'aime, tous ceux qui veulent savoir son hal. J't'en parlerai plus tard, quand j'aurai du résultat. Même chose, j'apprends sur le tas, je percerai peut-être sur le tas. Je percerai peut-être sur le tas. Je suis en immersion totale dans mon univers blanc d'aime, tous ceux qui veulent savoir son hal. Je n'ai pas de trompe, car les fausses promesses comptent pas. J'ai compris que pour m'en sortir, je ferais mieux de la prendre frontale. Au lieu d'accepter de me faire bananer, change, t'es pas condamné. L'âme qu'on a cru d'année te souhaite encore bonne année. Les dégâts sont faits, le principal qu'on marche en paix. C'est légal ce qu'on fait, nous fera finir la course en tête. Ouais, les gars, comptez sur moi, je donne les vibes qu'on aime. Et malgré les rats qui les accompagnent, on fera le truc quand même. On fera le truc quand même. Dans Babylon System, ils ont cru qu'on était faibles, on en parlera sur scène. C'est l'heure de dire respect à tous ceux qui ont voulu tester. Lors d'un show, on va tout casser parce qu'au fond, on ne fait que passer. Je t'en parlerai plus tard, quand j'aurai du résultat. Lors d'un show, j'apprends sur le tas, je percerai peut-être sur le tas. Je percerai peut-être sur le tas. Je suis en immersion totale dans mon univers blanc d'aime, tous ceux qui veulent savoir son hal. Je t'en parlerai plus tard, quand j'aurai du résultat. Lors d'un show, j'apprends sur le tas, je percerai peut-être sur le tas. Je percerai peut-être sur le tas. Je suis en immersion totale dans mon univers blanc d'aime, tous ceux qui veulent savoir son hal. Ouais, ouais. Ceux qui veulent savoir son hal. Blanc d'aime. Qu'est-ce qu'il y a, prod? Les deux frères. Ouais, ouais. Tous ceux qui veulent savoir son hal. Exclusif. La baraque, blanc d'aime.